إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est dans le cours numéro 4 dans la lecture du livre du Cheikh Yahya du Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi et c'est le livre Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qul ala al-Muttasil al-Majhul et bien entendu c'est un livre qui traite du thème ou du sujet de manhaj du manhaj des salaf et du manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et en particulier de la réfutation de certaines positions des mubtadi'a et des hizbiyin. Et donc, alhamdulillah, on est rendu dans notre cours numéro 4 aujourd'hui. Et on continue donc dans la critique qu'on avait commencé hier à propos de certaines paroles et de certaines citations de Abdullah Azzam dans ses livres. Et on sait que Abdullah Azzam fait partie des Ikhwan. Donc on voit un petit peu son manhaj et un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à l'influence de cette jama'a et l'influence qu'elle a eue, l'influence négative qu'elle a eue en Afghanistan. Et le Cheikh il dit Faslun wa fi kitab al-tariq ila jama'at al-umm ta'lif al-Cheikh Othman Abdussalam Nuh safhat 137 بعد إعلان الحكومة المؤقتة للمجاهدين الأفغان برئاسة مجددي صدر العدد رقم 53 من مجلة الجهاد شهر مارس 1989 وتحت عنوان جاء الحق وزهق الباطل كتب الدكتور عبد الله عزام يقول تأكدت أن هذا القرآن لا يفتح أسراره لفقيه قاعد وهذا الدين لا يسبر أغواره لا يسبر أغواره ولا يدرك معانيه أو ولا يدرك معانيه حفظة المتون والحواشي ممن لا يتحركون به ولا يعيشون لنصرته وأيقنت أكثر من أي وقت مضى اتفاق الفقهاء البارزين على عدم الانعقاد البيعة لفاسق واشتراط العلم والتقوى لمن يلي أمرا من أمور المسلمين أو يتصرف في شؤونهم. Donc on va commencer juste par traduire cette première partie là pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette citation. Donc il commence dans un autre sujet il dit par exemple que c'est écrit dans un livre qui s'appelle At-Tariq ila Jama'atil Umm écrit par Cheikh Othman Abdussalam Nuh à la page 137 après qu'il y ait eu l'annonce d'un gouvernement temporaire pour les Mujahideen en Afghanistan qui était présidé par Mujaddidi, un homme qui s'appelait Mujaddidi. Il y a eu le numéro 53 du magazine Al-Jihad du mois de mars 1989. Il y a eu un article qui a été publié avec comme titre « Ja al-Haq wa zahaq al-Batil » c'est-à-dire « La vérité est venue et le faux a été détruit ». Et le docteur Abdullah Azam a dit dans ce magazine-là, il dit j'ai été maintenant j'ai t'acquête tout, c'est-à-dire j'ai maintenant je suis certain, je suis devenu certain, j'ai confirmé que ce Coran, les secrets de ce Coran ne peuvent pas être dévoilés. Les secrets de ce Coran ne peuvent pas, il dit, je suis devenu certain maintenant que les secrets de ce Coran ne peuvent pas être dévoilés à un savant de fiqh qui est assis. Qa'id. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par qa'id? Ça veut dire celui qui n'est pas sorti dans le djihad. Hein? Donc pour eux, les secrets du Coran ne peuvent pas être dévoilés à quelqu'un qui est assis, comme il dit. Ou à la personne, et de même que les profondeurs de des significations profondes de cette religion-là, quelqu'un ne peut pas comprendre ou atteindre ces significations profondes s'il fait juste mémoriser les textes et mémoriser les hawash, c'est-à-dire les commentaires qui ont été écrits à propos des sur les livres de fiqh ou de ilm ou de hadith ou d'autres, hein, et qui ne bouge pas avec cette connaissance qu'il a. Et qui ne vivent pas pour la défendre. Il dit, je suis devenu certain encore plus qu'aucun autre moment auparavant, c'est-à-dire je suis encore plus convaincu aujourd'hui que je ne l'ai jamais été auparavant, de l'accord qu'il y a entre les fuqaha qui sont les plus apparents, qu'une bay'a, c'est-à-dire un serment d'allégeance à un dirigeant, ne peut pas être exécuté, ne peut pas être valable pour un fasiq, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des péchés, qui est un pécheur, et de la condition de la science et de la piété pour celui qui gère les affaires des musulmans et qui dirige les affaires des musulmans ou bien qui s'occupent de leurs affaires. Donc il dit qu'il est devenu convaincu aujourd'hui plus que jamais que de ce que les savants ont été d'accord, d'après ce qu'il dit, il y a les savants qui sont al-barizin, c'est-à-dire ceux qui sont plus en avant, qui sont plus de l'avant ou qui sont plus en vue, qu'on ne peut pas accepter la bay'a ou l'allégeance qui est faite à un dirigeant qui est pêcheur et qu'il met comme condition et qu'il croit que c'est une condition qu'il ait de la science et de la piété pour celui qui est dirigeant. Donc on va voir maintenant une critique de cette citation-là pour montrer l'égarement et le mensonge et les contradictions qui sont dans cette citation-là par rapport à la position des salafs et de la aqida des salafs salih à ce sujet-là. Donc, le cheikh il dit « قبل أن أدخل في الرد على الدكتور سأنقل مقاطع من رد المؤلف كتاب الطريق إلى جماعة الأم حيث قال صفحة 138 ونقول للأسف الشديد كان على الدكتور رحمه الله أن لا يثير حساسيات المجاهدين بانتمائهم إلى حزب معين أو جماعة معينة بل كان عليه أن يدعو إلى عقيدة السلف لأنها محل اتفاق الجميع خاصة بين المجاهدين العرب لأن الثناء على جماعة بعينها وتنقيص غيرها يؤدي إلى تفكيك الصفوف بل أن المجاهدين ينتمون إلى جماعة متعددة بينهم خصومات كثيرة ووجهات النظر وفي المناهج فإذا قال عند جماعة ما إنهم أصحاب حواشي ومتون فلا بد أن يقوم له من يرد على مثل هذا الاتهام إلى أن قال لقد أبى الشيخ رحمه الله إلا أن يثني على قادة يطير سيتهم إلى الآفاق لأنهم موالون لجماعته ويدفن مجهود آخرين ويحط من قدرهم لا لشيء إلا لأنهم لا ينتمون لجماعته. ولقد أفصح رحمه الله عن رغبته في ضرورة بيان نسبة الجهاد الأفغاني لجماعته فقال: إذ كل ما أردت أن أبينه للناس أن الحركة الإسلامية جماعة الإخوان هي باعثة هذا الجهاد الإسلامي، وهي نواة التي كانت بإذن الله طليعة هذا العمل المبارك. آية الرحمن الطبعة الثانية صفحة 28. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit: avant de commencer à réfuter le docteur Abdullah Azam, je vais citer juste une portion de qu'est-ce que l'auteur du livre At-Tariq ila Jama'atil Umm a écrit dans son livre à la page 138. Et c'est juste une petite critique qu'il fait par rapport aux paroles d'Abdullah Azam, justement, du fait qu'il a défendu son parti, le parti des frères musulmans, parmi les différents groupes de Mujahideen qui faisaient partie de cette chose-là en Afghanistan. Donc, il dit: c'est dommage que le docteur, rahimahullah, commence à atteindre les sentiments des Mujahideen par rapport à leur attachement à un parti en particulier et à un groupe en particulier, plutôt il devait se limiter à appeler à la aqida des salafs, parce que c'est quelque chose qui est soi-disant, selon ce qu'il dit, c'est quelque chose que tout le monde est d'accord parmi les mujahidines et en particulier les arabes. Il dit: parce que le fait de glorifier ou de parler, de glorifier ou de louanger une jama'a, un groupe en particulier, et de rabaisser les autres, ça peut amener à la division des rangs. Parce que les mujahidines, regardez ce qu'il dit, les mujahidines appartiennent à différentes jama'at, et entre eux il y a beaucoup de désaccords et de divergences d'opinion dans les questions de manhaj, de manahaj. Et donc, s'il dit à propos d'une jama'a que ce sont des gens qui s'occupent juste des hawashi, c'est-à-dire des commentaires et des mutuns, des textes qui ont été écrits sur les différentes sciences islamiques, alors c'est certain qu'il y a des gens qui vont se lever pour le réfuter. Donc, il dit, ça va ramener à vouloir faire le fait qu'il ait critiqué certaines personnes en disant que ce sont des gens qui s'occupent uniquement des livres et des commentaires des savants et qui de l'étude de l'islam, ben ça va amener ce genre d'accusation va amener des gens à vouloir répondre et réfuter. Et il dit que Abdullah Azam, par la suite, il dit Abdullah Azam, il a refusé, c'est-à-dire il a refusé de se taire, et il a insisté pour glorifier sa jama'a, et parce que, ou bien de défendre un des chefs un des chefs des groupes qui étaient là-bas, il commençait à le louanger, à le glorifier au-dessus des autres, parce que c'était un des chefs qui était en accord avec sa jama'a et qui s'alliait avec sa jama'a, qui s'alliait avec les ikhwan. Et les efforts des autres jama'at et des autres groupes, il les a négligés et il les a enterrés, justement parce que il n'appartenait pas à sa jama'a. Et il a clairement fait comprendre qu'il fallait associer le djihad afghan à sa jama'a, à lui. Et il l'a dit lui-même, même dans le livre Ayat al-Rahman, la deuxième édition, à la page 28, qu'il voulait faire comprendre que la jama'a des ikhwan, c'est elle qui était à la base du djihad islamique, et que c'était le noyau par lequel, par la permission d'Allah, cette action bénie du djihad en Afghanistan a été possible. Donc c'est comme s'il voulait ramener tous les crédits de qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan à l'époque, le ramener à la Jama'a des Ikhwan. Donc on voit dans cette attitude-là juste quelques petits points, juste pour vous montrer une partie de la critique. Toutefois, le cheikh Yahya, cheikh Ahmed al-Najmi, par la suite, il va le réfuter vraiment plus en profondeur, selon les principes du manhaj des salaf, et point par point, yani avec les preuves et les arguments vraiment détaillés. Donc, ça va être encore plus clair et plus bénéfique, inshallah. Le cheikh, il dit, wa qala fi mu'askar sada alqa alayna darsan afna fihi ala qaid mantiqati بن جشير وحط من قدر قائد منطقة كنر لأن الأول موال للإخوان والثاني يخالفهم في المنهج وذكر ذلك أيضا في كتابه المسمى خصم المعركة صفحة 119 ولقد دافع المؤلف عن السلفيين بكلام طويل أقتطف منه ما يلي قال في صفحة 139 وعموما ما دام هذا قد حدث وتم طبع الكتاب والكلام في الكتب وطبع هذا الكلام في الكتب وعلم الناس أن دعاة المنهج السلفي مجرد حفظة للمتون والحواشي وأنهم لا يدركون معاني الدين ولا يتحركون به وجب علينا بيان الحق من الباطل فنقول وأي شيء فرط فيه أتباع المنهج السلفي وصار عندهم قولا بلا عمل بل المعروف عنهم تمسكهم الشديد بالأصول والفروع حتى أن الآخرين ينكرون عليهم شدة تمسكهم بالسنن والمستحبات فضلا عن الواجبات وفضلا عن أصول الدين فالتوحيد بأنواعه الثلاثة عرفوه وعملوا به وبينوه للناس وخاصموا المخالفين لأجله وأحبوا فيه وأبغضوا فيه ووالوا فيه وعادوا فيه في الوقت الذي يعلم فيه الجميع موقف الإخوان من هذا التوحيد حتى آل بهم التفريط في حقوقه إلى الدفاع عن أعدائه من الأشاعرة والمتصوفة بل والشيعة بل آل بهم الأمر إلى عدم العلم به عند بعض قادتهم. Donc ici le cheikh il dit qu'il a dit il a dit dans une occasion il a fait un cours et dans ce cours là il a glorifié le chef de la région de Ben Jashir et il a rabaissé le dirigeant ou le chef de la région de Kunar parce que le premier est en accord avec ou bien est allié avec les Ikhwan tandis que le deuxième est en contradiction avec le manhaj des Ikhwan et il a mentionné ça aussi dans son livre Khasmul Maraka à la page 119 et il dit que l'auteur a défendu les salafines, c'est-à-dire l'auteur de Tariq al-Jama'a al-Tariq ila Jama'at al-Umm, c'est-à-dire le chemin vers la Jama'a ou le groupe mère. Dans ce livre-là, il a défendu les salafines avec une longue citation, une longue parole, et le cheikh il dit, je vais en mentionner seulement quelques parties, et il dit à la page 139, il a dit cet auteur, en général. Du moment que, depuis qu'on sait que cette chose-là a été faite et a été dite de la part d'Abdullah Azam et que le livre a été publié et que cette parole-là est maintenant connue et que les gens ont appris de sa part que les salafis, les gens qui suivent le manhaj salafi, ce sont seulement des gens qui mémorisent les livres et les textes et qu'ils ne comprennent pas les significations de la religion et qu'ils ne font rien, ils ne bougent pas, ils sont pas actifs. Alors il dit c'est obligatoire pour nous de clarifier la vérité du mensonge à ce sujet-là. Alors on va dire wa ayyu shay'in farata fihi atba'u al-manhaj as-salafi. Et comment quelqu'un peut dire, ou bien qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut dire que des gens, comment des gens peuvent dire que les gens qui suivent le manhaj salafi ont délaissé ou pris une partie de la religion de côté, et c'est devenu pour eux juste une parole sans action. Il dit, qu'est-ce qui est connu des salafis en réalité, c'est qu'ils s'accrochent fermement et solidement au fondement et aux choses qui découlent de ces fondements-là, à un tel point que même les gens qui sont contre eux, ils les critiquent justement du fait qu'ils s'accrochent fermement aux différentes formes de sunan dans la religion et aux choses qui sont recommandées, sans parler des choses obligatoires et sans parler des fondements de la religion. Car si on regarde par exemple le rattachement au tawhid et à ces trois catégories, et comment ils l'ont connu, on va tout de suite comprendre et on va tout de suite savoir que ce sont les gens qui l'appliquent, ce tawhid, et qui le clarifient pour les gens, et qui disputent avec ceux qui s'opposent au tawhid. Ils font des oppositions avec les gens pour le tawhid. Ils aiment les gens par rapport au tawhid et ils s'opposent et ils détestent les gens qui s'opposent au tawhid. Donc ils font al-wala wa al-bara en se basant sur le tawhid. Ils font ça, alors que en même temps on voit que la position des ikhwan vis-à-vis du tawhid, c'est la situation opposée par rapport à la position des salafis. On voit que les ikhwan, ils ont beaucoup de négligence par rapport au droit du tawhid et par rapport à la défense du tawhid, et on voit même qu'ils se mettent du côté des ennemis du tawhid par rapport à leur position envers les Asha'ira et envers les Mutasawwifa, les Soufis, et envers les Shia aussi. Et ils les prennent pour alliés plutôt que de défendre le tawhid, il s'allie avec les ennemis du tawhid. Na'am, bal ala bihim al-amr ila adam al-ilm bihi 'inda ba'd qadati. C'est-à-dire même que certains d'entre les responsables de la jama'a des ikhwan, ils ignorent même qu'est-ce que c'est la signification même du tawhid. Donc ça, c'est une petite critique que le cheikh a cité dans les paroles de l'auteur du livre At-Tariq ila Jama'at al-Umm. Maintenant, il va commencer maintenant à faire sa critique à lui. Il dit: Qultu yushiru bidhalika ila ba'd qadat al-ikhwan alladhina waqa'u fi ash-shirk al-akbar walladhina sabaqa dhikruhum wa hum al-mu'assis nafsuhu Hasan al-Banna wa Umar at-Tilmisani wa Mustafa as-Siba'i wa ghayrihim. والذي نعتقد أن هؤلاء وقع منهم ما وقع بسبب جهلهم بعقيدة التوحيد. Donc le cheikh, il dit, quand le cheikh Ahmed al-Najmi dit, qu'est-ce qu'il veut dire par le fait que c'est arrivé à un certain point que même certains d'entre les dirigeants des Ikhwan, parmi eux il y en avait même parmi les têtes qui ignoraient même le tawhid, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que certains des têtes même des Ikhwan eux-mêmes ont fait des formes de shirk majeurs, c'est-à-dire ceux qu'on a mentionnés précédemment, comme le fondateur lui-même de la Jama'a, Hasan al-Banna, Omar al-Tilmisani, Mustafa al-Siba'i et d'autres. Et ce que nous croyons à leur sujet, c'est qu'ils sont tombés dans ce qu'ils sont tombés uniquement parce qu'ils sont ignorants du tawhid, uniquement parce qu'ils sont ignorants à propos du tawhid. Ensuite, donc, le cheikh, il commence maintenant la critique. Il dit: Faslun wa qad an al-awan an arud alayhi fi al-maqta' al-sabiq fa aqul. قال الدكتور عبد العزام رحمه الله في العدد رقم 53 من مجلة الجهاد كما سبق نقله قبل قليل. تأكدت أن هذا القرآن لا يفتح أو لا يفتح أسراره لفقيه قاعد، وهذا الدين لا يصبر أغواره ولا يدرك معانيه حفظة الحواشي والمتون ممن لا يتحركون به ولا يعيشون لنصرته. والرد عليه في هذا المقطع من وجوه. Maintenant, c'est arrivé le moment de réfuter ce que je voulais réfuter de la citation que j'ai mentionnée, des paroles d'Abdullah Azzam. Et ça, c'est le numéro 53 du magazine Al-Jihad, comme on l'a mentionné précédemment. Il dit dans cette citation-là, je suis devenu certain maintenant que ce Coran, ses secrets ne peuvent pas être dévoilés à un faqih qui est assis, qui n'est pas sorti dans le djihad. Et cette religion, ses significations profondes ne peuvent pas être comprises par les gens qui mémorisent juste les textes et les livres et qui ne bougent pas, qui ne sont pas actifs et qui ne vivent pas pour le défendre. Et la réponse à cette parole-là et à cette citation-là, ça va être de plusieurs points de vue. Le premier point, أنه زعم أن فهم القرآن منعدم وطريق الدين مسدود عن كل فقيه لا يشترك معهم في حزبهم الثوري ومنهجهم التكفيري فحفظة المتون والحواشي القاعدون عن الجهاد بزعمه أتعبوا أنفسهم بغير فائدة فلا القرآن فهموا ولا الدين عرفوا ولازم ذلك أنهم أشبه شيء بمن قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Donc le premier point que le cheikh mentionne, il dit que c'est comme si Abdullah Azzam, dans cette citation là il prétend que la compréhension du Coran est absente et que la voie vers la religion est bloquée pour toute personne qui étudie le fiqh ou qui est savant de fiqh et qui ne bouge pas avec eux dans leur parti de révolution et dans leur manhaj de takfir. Et que les gens qui mémorisent les textes et qui apprennent les livres de sciences islamiques sont ceux qui il dit al-qa'idun 'an al-jihad, qui sont assis, qui font pas le jihad selon ce qu'il prétend, se fatiguent sans aucun bénéfice, il y en a pour rien, ils se fatiguent pour rien, ces gens-là qui mémorisent ces choses-là. Donc ils ne comprennent pas le Coran et ils n'ont pas connu la religion, et donc c'est comme si, selon lui, ils étaient comparables à la description que Allah subhanahu wa ta'ala fait dans le Coran au sujet des, par exemple, des juifs, quand Allah subhanahu wa ta'ala les décrit dans Surat al-Jumu'ah, le verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui qui traite de mensonges les versets d'Allah. Allah ne guide pas les gens injustes. Donc c'est comme s'il les comparait, les salafis et les ulama en particulier, à des gens qui sont en train de porter des livres mais qui n'en profitent pas. Comme les ânes qui portent des livres, et il les compare justement aux juifs. Ensuite il dit والوجه الثاني يفهم من قوله هذا أن القرآن لم يفتح أسراره إلا لأهل حزبهم والدين لم يسبر أغواره إلا أهل حزبهم الثوري التكفيري ولا أدري هل يعد مجاهدا سعيد بن جبير وعطاء وطاووس وعكرمة وسعيد بن المسيب وعلي بن طلحة والذين جاءوا من بعدهم كمالك بن أنس وحماد بن زيد وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن مردويه وابن جرير الطبري وغيرهم ممن جاء في أزمنتهم أو بعد أزمنتهم ممن فسروا القرآن هل يعدهم جميعا ثوريين مثله لذلك انفتحت عليهم أسرار القرآن وسبروا أرواح الدين أم أنهم لم تنفتح عليهم أسرار القرآن لأنهم لم يكونوا ثائرين. Donc le cheikh ici il fait un deuxième point dans sa critique et il dit on peut comprendre dans cette parole là que selon lui le Coran on ne peut pas comprendre ses secrets excepté si on fait partie de son groupe. Si on ne fait pas partie de son parti et de son groupe, on ne peut pas comprendre le Coran et on ne peut pas découvrir les profondeurs, les significations profondeurs de la religion excepté si on fait partie des gens qui suivent son parti de takfir et de révolte. Donc il dit, je ne sais pas s'il considère comme faisant partie des Mujahidin Saïd ibn Jubayr ou bien Atta ou bien Taous et Ikrima et Saïd ibn al-Musayyib et Ali ibn Talha parmi les Tabi'in et ceux qui sont venus après eux parmi les imams de l'islam comme Malik ibn Anas, l'imam Malik, Hamad ibn Zayd, Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak, wa al-Shafi'i, wa Ahmad ibn Hanbal, wa ibn Mardawayh, wa ibn Jarir al-Tabari, et d'autres parmi les savants de l'islam, qui sont venus à leur époque, et qui étaient, ou bien qui sont venus après eux, parmi ceux qui ont interprété et expliqué le Coran, et commenté le Coran, est-ce qu'ils les considèrent tous comme étant des révolutionnaires et des révoltés, ou bien c'est-à-dire, est-ce qu'il les considère tous comme étant des gens qui font partie des révolutionnaires comme lui, et c'est pour ça qu'ils ont compris les secrets du Coran et qu'ils ont compris les significations profondes de cette religion, ou bien c'est plutôt que les secrets de la religion ne leur ont pas été dévoilés parce qu'ils ne faisaient pas partie des révoltés et des gens qui se révoltent. الوجه الثالث الثالث point يلزم من قوله هذا أن الاشتغال بحفظ المتون والحواشي ممن لا يتحركون به حركة الثوريين أن عمله عمل باطل وجهده جهد ضائع لأنه لا يستفاد منه وفي ذلك رد لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإبطال لأمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فالله تعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. دونك après dit wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man yurid Allahu bihi khayran yufaqqihu fi ad-din. Fa an-nusus ash-shar'iyya mutlaqa lam tuqayyad bi harakat wala ghayriha wal muslimuna mujmi'una ala an at-tafaqquh fi ad-din fardu kifayatin 'ala al-muslimin min ghayri shart al-harakati allati hiya al-khuruj 'ala al-wulat wal munaza'ati lahum بل إن المنازعة للولاة وإثارة الشغب عليهم وإرهاب المسلمين وإخافتهم بالاغتيالات والتفجيرات معصية كبرى وفساد عظيم. نعم. Donc le cheikh ici il continue encore la critique et il dit d'après la citation d'Abdullah Azzam dans les paroles qu'il dit, on peut comprendre que ça implique une chose. Ça implique que celui qui travaille à mémoriser les textes et les commentaires des livres de la religion et qui ne bouge pas à la façon des révolutionnaires et des révoltés, alors c'est comme s'il disait que selon lui, leurs actions étaient vaines et que leurs efforts étaient gaspillés. Et qu'on ne pouvait pas profiter de ce qu'il amène de science. Et ça, en disant ça, il rejette la parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il vient rejeter son commandement et le commandement de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ça c'est quelque chose qui a été ordonné par Allah et par son messager, et il y a une ijma de la umma, il y a un consensus de la umma à ce sujet-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 122 dans surat At-Tawbah, il dit: et les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple, hein? Pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils en soient sur leur garde, afin qu'ils soient sur leur garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Cheikh, il dit, les textes de la religion, du Coran et de la Sunna sont absolus à ce sujet-là. Ils ne sont pas limités par le fait de faire une action ou d'être actif ou non. Et les musulmans sont tous réunis et d'accord sur le fait que d'apprendre la religion, c'est une obligation kifaya, c'est-à-dire fard kifaya ala al-muslimin, dans le sens que s'il y a une portion suffisante des musulmans dans le monde qui étudient la religion et qui se spécialisent dans l'étude de la religion, alors c'est plus obligatoire maintenant pour le reste de le faire. Mais s'ils le laissent tous, c'est un péché dans ce cas-là pour les musulmans en entier. Et ça, c'est la signification de fard kifaya. Donc talabul ilm, ça fait partie des obligations qui font partie des fard kifaya. من فروض الكفاية. أبغي الشيخ يقول: ومن غير شرط الحركة، sans qu'il y ait de conditions, par exemple, de faire partie d'un mouvement. Et en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire Abdul Azzam par le mouvement dont il parle? C'est plutôt de se rebeller et de sortir contre les dirigeants et de leur disputer l'autorité qu'ils ont. Et بل إن المنازعة للولاة وإثارة الشغب عليهم وعليهم وإرهاب المسلمين وإخافتهم بالاغتيالات والتفجيرات. C'est ça, ils considèrent donc que de sortir contre les dirigeants, c'est ça qu'il faut faire, et que si tu fais pas ça, et si tu fais pas de dispute, si tu commences pas à disputer l'autorité aux dirigeants et de faire yani des problèmes et de yani dans les sociétés et d'effrayer et de terroriser les musulmans et de leur faire peur avec toutes sortes d'attentats et d'explosions, alors là, c'est comme si tu as fait un grand péché, hein, et un grand désordre. Donc ils considèrent que yani, si tu ne fais pas comme eux dans ces choses-là, alors tu n'es pas sur le bon chemin et que tu fais pas du bien et que tes efforts sont nuls et inutiles, hein. Donc c'est de là que ça vient, ces idées là, ce manhaj, hein, ça vient de cette origine là. Après il dit: wal wajh ar-rabi' laqad fataha al-shaykh Abdullah Azzam bab al-istihza' bil ulama al-salafiyyin wa al-tahqir li sha'nihim fatabi'ahu ala dhalika ashab al-fiqh al-waqi' فزعموا أن كبار العلماء في السعودية جاهلون بفقه الواقع، ولازم ذلك أنهم مغفلون مغفلون أغرار لا يفقهون الواقع. فمنهم من يقول إنهم جهال بفقه الواقع، ومنهم من يقول عنهم علماء الحيل والنفاس، ومنهم من يقول حفظة متون وحواشي، ومنهم من يقول إنهم عبيد للولاة، ومنهم. ولقد قام واحد من جماعة حزبه في جامع بإحدى المدن وقال إن أركان الإسلام ستة وليست خمسة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عليها الجهاد الذي سماه عبد عزام حركة. ولقد أنكر عليه ذلك كل فضائل المجتمع واستأنه به طلاب العلم شهرا ليقف في المكان الذي وقف فيه ويرد على نفسه بنفسه، فلم يفعل، ثم ردوا عليه. المشار إليه هو المدعو حسين محمد شريف هاشم الدكتور رئيس قسم التفسير في كلية المعلمين بجازان. ولقد تلقفها منه شاعرهم عائد القرن الذي رجع الآن عن بعض أخطائه واعترف بخطئه فيها، نسأل الله أن يثبته على ذلك ويوفقه للتراجع عن جميع الأخطاء التي حصلت منه. فاستمع إليه في قصيدته التي نشرها في ديوانه لحن الخلود، وعنوانها دع الحواشي واخرج، فهو يقول تحت هذا العنوان. Donc le cheikh il donne comme point numéro 4 que il dit que le cheikh Abdullah Azzam a ouvert la porte à la moquerie contre les savants salafis et contre le, il a ouvert la porte également à la, au mépris en ce qui leur concerne, hein, de la, yani pour les hizbiyin, il leur a ouvert la porte pour se moquer des savants de la da'wa salafia. Et il y a eu des gens qui les ont suivis, qui l'ont suivi dans ça, parmi les gens qui font partie de l'idée de fiqh al-waqi', la compréhension de la réalité du monde actuel. Hein. Donc ils ont dit que les savants de l'Arabie Saoudite sont des ignorants dans le fiqh al-waqi', c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas la réalité du monde. Et ça c'est une shubha qui est utilisée par tous les harakiyin et les hizbiyin, hein, pour justifier ce qu'ils font. C'est-à-dire que les hizbiyin, ils travaillent dans toutes sortes de choses et ils donnent de l'importance à toutes sortes d'activités et de travaux. Et quand on leur dit de s'attarder aux choses qui sont fondamentales et de revenir à l'enseignement et à l'étude du tawhid et aux bases de la religion, ils disent que ce qu'ils font eux est plus important que ça. Et quand ils entendent les paroles des ulama de l'islam qui parlent de ces choses-là, qui traitent de ces choses-là et qui leur dit que ce qu'ils font c'est pas ce qu'ils devraient faire, alors ils essaient de justifier leur manhaj en disant que les savants salafiyin et les savants dans le monde musulman en Arabie Saoudite et ailleurs qui sont en train d'appeler au tawhid et de clarifier la sunna pour les gens, ce sont des gens qui ne comprennent pas la réalité du monde actuel. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas des fatwas dans le sens de leur direction ou dans leur programme à eux. Et donc, à cause de ça, ils s'imaginent qu'ils ne comprennent pas la réalité du monde actuel. Et donc, ils essaient d'utiliser ça comme un argument pour les mépriser et pour les rabaisser. Et ils disent, par exemple, que ce sont des ignorants par rapport au fiqh de la réalité du monde et de ce qui se passe dans l'actualité. Et ils disent également que ce sont des savants qui ne connaissent que les questions de règles et de menstruation des femmes et des écoulements des femmes. Et il y en a d'autres qui disent que ce sont des mémorisateurs. C'est des gens qui ne font que mémoriser les livres et les textes. Mais ils ne comprennent rien. C'est comme ça qu'ils parlent d'eux. Et il y en a d'autres comme Mohamed Sourour et d'autres qui disent que ce sont les esclaves des dirigeants. Et ils disent toutes sortes autres des choses de ce genre aussi, que ce sont des agents pour les gouvernements, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on connaît les idées et les paroles de ces gens-là qui suivent le manhaj des takfiriyin et des égarés parmi les djihadiyin et des autres. Donc, le cheikh, il dit, « Wala qad qama wahid min jama'ati hizbi. » Il dit, il y en a un parmi leurs groupes qui s'est élevé dans une mosquée, hein, dans une des villes, et qui a dit que les piliers de l'islam sont de 5 et non pas de 4. Et il a contredit donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté un sixième pilier au pilier de l'islam qu'il a appelé Abdullah Azzam, lui il l'appelle al-haraka, hein, pour lui le djihad c'est al-haraka, c'est-à-dire le mouvement, le fait d'être actif. Et donc il veut rajouter ça parmi les pilier de l'islam. Et il s'est fait, il y a beaucoup de ulama et des shuyukh, tulab al-ilm et tout, qui lui ont dit que ce qu'il avait dit là, de rajouter un sixième pilier à l'islam, que c'était pas correct, que c'était contraire à l'islam. Et il y a des shuyukh et des tulab al-ilm qui ont attendu pendant un mois, hein, qui lui ont donné le conseil de revenir sur cette parole-là pour qu'il se réfute lui-même, c'est-à-dire pour qu'il corrige lui-même son erreur. Mais après un mois, il ne l'avait toujours pas fait, alors ils se sont levés et ils ont réfuté cette parole. Et on parle ici d'un homme qui s'appelait Hussein Muhammad Sharif Hashim, qui est docteur et chef de la section de tafsir à la faculté des enseignants de Jazan. Donc, celui-là, il avait défendu cette idée-là, puis il s'est fait réfuter, mais après, ça a été repris par cette parole d'Abd al-Azam, elle a été reprise par le poète, hein, leur poète, Aïd al-Qarni. Aïd al-Qarni. Et il dit, le cheikh Ahmed al-Najmi, que Aïd al-Qarni, il a beaucoup d'erreurs, et il est revenu sur certaines de ses erreurs, il a reconnu qu'il avait ces erreurs-là, et il dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne la fermeté sur ses, sur ce qu'il a reconnu comme erreur, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le succès de revenir sur le reste de toutes ces erreurs qu'il a fait dans le passé. Et il dit, écoutez ce qu'il dit dans son poème qu'il a lui-même diffusé dans son recueil de poésie qui s'appelle Lahn al-Khulud. Et dans ce, justement, dans ce diwan, dans ce recueil de poésie, il a un poème qui s'appelle Da' al-Hawashi wa-Khruj. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisse tomber les livres et les commentaires. Al-Hawashi, c'est quoi? C'est quand il y a un livre, souvent dans des fois dans les livres de science, on trouve dans les livres de fiqh ou de tafsir ou d'autres, dans le côté de la page, il y a des commentaires écrits par des ulama et des notes, des annotations et des commentaires. Donc c'est ce qu'on appelle les al-Hawashi. Donc il laisse tomber les Hawashi et sort. C'est-à-dire, yani, sors, fais ton action, qu'est-ce que tu dois faire. Et bien entendu, pour eux, sortir, c'est al-Khuruj. C'est-à-dire la rébellion contre les dirigeants. Et donc il cite une petite partie de son poème. صل ما شئت وصم فالدين لا يعرف العابد من صلى وصام واجعل السبح مترين وخذ عمة صفراء واسبغها رخاما واترك العالم في غوغائه يتلظى في لياله اضطراما أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة تترك الساحة للأوغاد ما للأوغاد ما بين قزم مقرف يلوي الزمام أو دعي فاجر أوقع في أمتي جرحا أبي ذاك Il y a des choses que je ne pourrais pas lire là-dedans parce que, bien entendu, il y a des parties qui sont peut-être plus compliquées, plus difficiles, mais en gros, je vais juste lire les parties les plus importantes. أنت تأليفك لا تخادعني بزي الشيخ ما دامت الدنيا بلاء وظلامة أنت تأليفك للأموات ما أنت إلا مدفن حب الكلام كل يوم تشرح المتن على مذهب التقليد قد زدت قتاما والحواشي السود أشغلت بها حينما خفت من الباغي حساما لا تقل شيخي كلاما وانتظر عمر فتوى مثلكم 50 عاما والسياسات حما مهجورة لا تدانيها فتلقيك حطاما فقد الأجيال في ساحل الوغى. En tout cas, il fait des critiques claires contre les ulama dans cette poésie-là. Il dit « Prie comme tu veux et jeûne comme tu veux. La religion ne connaît pas l'adorateur qui prie et qui jeûne. Et prends même un sabha, le chapelet de 2 mètres, et mets-toi une imam, hein, un turban jaune, et laisse tomber la dunya et tout ce qu'il y a de trouble dedans. » Et il dit, t'es comme un prêtre ou un moine, hein, tu n'as rien à voir avec Ahmed, c'est-à-dire tu n'as rien à voir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est suffisant comme blâme. Et laisse le terrain ou le champ pour les les gens qui veulent faire du désordre et qui veulent faire du mal. Et ensuite il dit ne me trompe pas, n'essaie pas de me tromper avec ton habit de cheikh. Il dit toi t'es un mort parmi les morts et tu aimes juste parler et toute la journée tu expliques les textes et les livres selon la voie de le madhab du taqlid, tu suis aveuglément et tu es préoccupé par les commentaires et les annotations ainsi de suite. Puis en tout cas c'est des blâmes et des critiques qu'il fait en voulant dire t'as laissé tomber, tu t'occupes pas de la politique, en parlant des ulama, vous vous occupez pas de la politique, vous vous occupez pas des problèmes de la dunya, des problèmes de la umma, vous faites juste vous occuper de vos livres et de faire le charf des livres dans les mosquées et d'enseigner la science. Donc pour lui ça c'est un blâme. Et il dit atadri man yuridu bi ada, parce qu'à la fin il dit فقد الأجيال في ساحل الوغى وسق أعداء الهدى كأس الزئامة. يزيد أتدري من يريد بأعداء الهدى. يزيد est-ce que tu sais de qui il parle quand il parle des ennemis de la guidance. إنه يريد من خلف المنهج الذي يريده ومنهم أبناء الملك عبد العزيز آل سعود وفقهم الله الذين قامت دولتهم على التوحيد وما زالت عليه. أتعلم يا عايد أن دولة آل سعود دولة مسلمة يحرم الخروج عليها ومنازعة ذوي السلطان فيها امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ويقول من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. أما تعلم يا عايد أن دولة آل سعود هي أحسن دولة مسلمة على وجه الأرض يتمتع أهلها بالأمن والإيمان ورغد العيش وإنها الدولة التي تنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة في مدارسها ومعاهدها وكلياتها. إنها الدولة الوحيدة التي تحكم شرع الله في محاكمها وتقيم حدود الله. أيجوز لكم أن تغروا بها السفهاء وتثيروا عليها وضدها الغوراء. Donc il dit ici, savez-vous de qui il parle quand il parle des ennemis de la guidance? Il veut dire tous ceux qui ont contredit son manhaj, le manhaj qu'il veut lui. Parmi eux, les fils du roi Abdelaziz Al-Saoud, que Allah leur donne le succès. Et il dit ce sont ceux qui ont établi un état, un pays sur le tawhid et qui restent encore sur le tawhid aujourd'hui. Est-ce que tu sais, ô Aïd, que l'État ou le pays de Al-Saoud, la famille de Saoud, c'est un pays musulman, et donc il est interdit de sortir contre et de se rebeller contre lui ou contre cet État et de disputer l'autorité ou le pouvoir à ceux qui le détiennent dans ce pays-là, en prenant en considération la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Le verset 59 dans surat An-Nisa. Et également la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, écoute et obéis aux dirigeants, même s'ils te frappent le dos et même s'ils prennent tes biens. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam muslim. Et qui est authentique. Également un autre hadith qui dit, et celui qui obéit au dirigeant m'a obéi. Le prophète sallallahu dit, celui qui obéit au dirigeant m'a obéi. Et celui qui m'a obéi a obéi à Allah. Et celui qui désobéit au dirigeant m'a désobéi. Et celui qui m'a désobéi a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne sais-tu pas, ô Aïd, que l'état de l'Arabie Saoudite, Al-Saoud, la famille de Saoud, c'est un des meilleurs pays musulmans? Ou bien c'est le meilleur pays musulman sur la terre aujourd'hui, et que les gens qui vivent là-bas vivent dans la sécurité et dans la foi, et ils ont une bonne vie. Et il dit que ce pays-là, c'est un pays dans lequel on répand et on diffuse la aqida, la bonne aqida, la aqida islamia qui est correcte, et à tous les niveaux d'études, que ce soit dans les écoles ou dans les instituts ou dans les facultés, à tous les niveaux, et que c'est le pays, le seul pays qui applique la sharia d'Allah. Et on retrouve dans ces tribunaux l'application des peines. L'application des peines d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu penses que c'est permis pour toi d'inciter les faibles d'esprit et les ignorants contre ce pays-là? Donc, yani, ça c'est une bonne critique et un bon point que le cheikh fait ici. Et on remarque même parfois que c'est tellement clair que l'Arabie Saoudite c'est un des seuls pays ou même le seul pays qui applique la charia aujourd'hui dans le monde, que même les koufars, yani, quand ils critiquent par exemple certains aspects de la da'wah salafia, ils prétendent que ça c'est une interprétation de l'islam wahhabite de l'Arabie Saoudite. Et ils essaient de faire croire ça aux gens, dans le sens que, en voulant dire que l'islam n'existait pas avant la création de l'Arabie Saoudite. Comme si, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres pays qui appliquent la charia de cette façon. Donc, ils essaient de marginaliser l'Arabie Saoudite pour faire croire aux musulmans qui ne connaissent pas réellement peut-être la religion, et aux non-musulmans qui ne connaissent pas aussi la religion, que la façon dont l'islam est appliqué et la charia est appliquée en Arabie Saoudite, c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose qui n'existait pas avant l'existence de l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est bien entendu, c'est tout à fait faux. Et si ils prétendent que qu'est-ce qui est appliqué de la charia en Arabie Saoudite, c'est quelque chose de nouveau, alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tous les livres de fiqh qui ont été écrits des siècles et des siècles avant l'Arabie Saoudite, avant la création de l'État de l'Arabie Saoudite, et tous les livres de tafsir qui ont été écrits par les savants d'islam depuis des siècles, depuis plus que 1400 ans, tous ces livres-là et tous ces écrits-là qui expliquent les règles de la charia, quoi, ce sont tous des livres wahhabites, hein, et ce sont tous les paroles que les savants mentionnent dans leurs livres et de tafsir, et l'interprétation qu'ils donnent des versets qui parlent de l'application des règles de la charia. Tout ça, c'était tous ces gens-là, c'était des wahhabites, alors qu'ils vivaient des siècles, des fois même 1000 ans avant la naissance de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Yani, pour qui ils essaient de prendre les gens, hein? Pourquoi ils essaient de tromper les gens et de leur mentir sur des choses pareilles, hein? Pour essayer de faire croire aux gens que c'est uniquement depuis que l'Arabie Saoudite existe que la charia est appliquée de cette façon, alors que c'est faux. Dans le monde entier, hein, dans tous les pays musulmans, depuis des siècles et des siècles, hein, avant le XXe siècle, il y a toujours eu l'application de l'islam de cette façon-là dans tous les pays musulmans. Donc, c'est étrange de voir de la part des gens qui prétendent travailler pour l'islam et vouloir faire une da'wah à l'islam, qu'ils sont en train d'attaquer et de mettre tout leur effort contre le seul pays qui justement a réussi à appliquer la charia à notre époque, hein? Donc c'est ça que le cheikh il dit. Pourquoi vous essayez de faire tous vos efforts pour le contrer et d'inciter les ignorants et les faibles d'esprit contre ce pays-là, hein? Alam takun rabbatkum fi madarisiha wa anfaqat alaykum hatta wasaltum ila ma wasaltum ilayh. Et donc en passant, comme le cheikh il le dit lui-même dans plusieurs livres, il dit c'est pas parce qu'on dit ces choses-là sur l'Arabie Saoudite, ça veut pas dire que c'est un pays qui est parfait et qui est infaillible, non, hein? Moi-même j'ai entendu cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, quelqu'un lui avait posé une question et il a répondu, le cheikh il a dit l'État n'est pas infaillible, les dirigeants ne sont pas infaillibles, ils peuvent se tromper, parfois ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent faire des péchés, mais il ne faut pas négliger et oublier le bien qui est là, hein? Et s'il y a des erreurs et des faiblesses ou des manquements, mais ce n'est pas d'agir de cette façon-là qui va régler les problèmes, au contraire, c'est de revenir à la sunna et justement de s'attacher justement au manhaj des salaf et de donner le bon conseil, et ainsi de suite. et non pas de, d'appeler les gens à la révolte. Ensuite, il dit ثم يكون هذا جزاؤكم ألم تكن ربتكم في مدارسها وأنفقت عليكم حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه ثم يكون هذا جزاؤكم منكم جزاؤها منكم أما وجدت شيئا تستعمل فصحتك فيه إلا هذا الباب الذي عصيت فيه الله ورسوله الذي عصيت عصيت الله ورسوله فيه وأولي الأمر جميعا ألست أنت الذي تقول أيضا في صفحة 56 من لحن الخلود تحت عنوان ملوك الإيمان وعبيد الأرض لا حول لهم وزوال الملك عنهم في وفي وشك أيها المؤمن لا تحفل بمنف يرفع الصوت ومن يلقي الشبكة ارفع الذل ولا ترضى الخضوع لرئيس مستبد أو ملك أنت حكمة واحدة لا يدرى به فإذا ثار تلظى واحترك دمك التهري لا تبخل به وابذل النفس بساحل المعترك يعني il dit, le cheikh, n'est-ce pas que c'est cet état qui t'a éduqué et qui t'a élevé dans ces écoles et qui a dépensé beaucoup d'argent pour ton éducation pour que tu arrives au niveau où tu es arrivé et que tu atteignes le niveau que tu as atteint, et c'est ça ta récompense pour cet état, hein? Tu n'as pas trouvé rien d'autre pour faire travailler ton éloquence que d'écrire des poèmes de ce genre dans lesquels tu désobéis à Allah et à son messager et aux dirigeants. Et n'est-ce pas toi qui as dit également dans ton poème, dans Lahn al-Khulud, tu as écrit un poème à la page 56 qui s'appelle « Les rois de la foi ». Et là, on voit encore une incitation, yani, à la révolte de la part, yani, il incite les gens à se révolter contre les dirigeants encore dans ce poème-là. Donc il dit « Al-Muhim, anna Sheikh Abdullah Azzam, huwa alladhi fatah al-bab lil-hizbiyin, fi al-ta'n fi al-ulama, al-salafiyin, wal-wulat al-muslimin, fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Et même ici, le Sheikh il dit, de toute façon, c'est Abdullah Azzam qui a ouvert cette porte aux gens de bid'a parmi les hizbiyin pour attaquer les ulama, parmi les ulama salafiyin et les dirigeants des musulmans. Donc, c'est de Allah que nous venons et c'est à lui que nous retournons. Et effectivement, même je me souviens à l'époque, même ici à Montréal, les djihadiens et les takfiriens et les hizbiyens, ils s'en donnaient à cœur joie, yani, avec justement de parler dans le dos contre les ulama et contre les dirigeants et de les insulter et de se moquer d'eux et de les traiter de noms. Et ça, on en a entendu, et on a entendu de leur part des choses incroyables, et ils s'en donnaient à cœur joie, et ils continuent toujours aujourd'hui. Et donc, ça a toujours été leur manhaj, et moi-même j'en ai été témoin, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Le Cheikh dit Al-Wajh al-Khamis. من أين له أن العلماء السلفيين لا يتحركون بالدين ولا يعيشون لنصره إن هذا إلا افتراء عليهم وبهتان لهم إنهم يعيشون لنصرته ويسعون في نشره ليل نهار فهم دائما أوقاتهم مشغولة بالتعليم والفتاوى والمحاضرات والمذاكرة استعدادا للدروس أو بحث الفتوى أو بحث الفتاوى التي تحتاج إلى بحث والرد على المبتدعين بالمؤلفات والفتاوى والإجابات على الأسئلة إنهم جسر منيع وسد قوي في الدفاع عن الدين والدعوة إليه ونشر أحكامه أما العمل الذي في ذات أنفسهم أما العمل به في ذات أنفسهم وتطبيقه في ولايتهم وعلى من تحت أيديهم فحدث ولا حرج إنه إلا أنهم ليسوا معصومين من الخطأ فهم بشر كسائر البشر يصيبون ويخطئون ولكن الصواب عليهم أغلب وهذا بالنسبة للأحكام الفرعية أما العقيدة ومنهج الدعوة والولاء ومنهج الدعوة الولاء والبراء والوفاء بالبيعة للوالي المسلم واحترام بيعته فهم جميعا على نهج واحد وعقيدة واحدة لا يتزحزحون عنها قيد أنملة ونسأل الله أن يثبت الأحياء منهم ويرحم الأموات إنه على كل شيء قدير. Le Cheikh, il dit, le point numéro 5, il dit, d'où est-ce que tu as appris ou que tu as entendu que les ulama salafiyin ne bougent pas, ils ne sont pas actifs dans la religion et qu'ils ne vivent pas pour donner la victoire et défendre la religion. Il dit, ça c'est un mensonge, hein, et une calomnie contre eux. Parce que en réalité, ils vivent pour défendre cette religion. Et ils font des efforts et ils se précipitent vers le fait de diffuser cette religion de la nuit et le jour. Ils sont toujours dans ce travail, jour et nuit, et tout leur temps est toujours occupé par l'enseignement et par le fait de donner des fatawas et des conférences et de faire de la révision des livres et des cours et de préparer les cours. Et de faire des recherches sur différentes questions lorsqu'il faut faire des recherches sur certains sujets pour faire une fatwa. Ils font les recherches, sans compter qu'ils réfutent les mubtadi'a avec des écrits et par des fatwas et en répondant à des questions. Ils sont comme une barrière, hein, comme ils sont comme en fait comme un barrage solide, hein, et fort. Pour retenir et défendre cette religion, et pour appeler à cette religion, et pour répandre et diffuser ses règles. Hein? Et on sait que parmi les plus grandes formes de djihad, justement, il y a de réfuter les mubtadi'a, et d'appeler et d'enseigner cette religion-là, et de la diffuser, et de réfuter les shubuhat des kuffar et des munafiqin. Tout ça, qui peut le faire excepté les ulama? Personne ne peut le faire excepté les ulama. Et donc, c'est ceux-là qui sont les plus grands parmi les mujahidines, les ulama qui défendent la sunna, qui défendent l'islam et qui enseignent l'islam aux gens. Hein, ils sont, comme le cheikh il dit, un barrage et ils bloquent la route à toutes les formes d'égarement pour qu'elles, justement, n'entrent pas dans la umma et qu'elles égarent pas les gens. Et aussi, ils appellent les gens à cette religion, ils font de la da'wa et ils diffusent la science et les règles de la religion. Et en ce qui concerne le fait de l'appliquer en eux-mêmes, eh bien, on voit qu'ils l'appliquent en eux-mêmes, et non seulement ça, aussi les gens qui sont sous leur tutelle, ou bien plutôt qui sont sous leur responsabilité, comme leur famille, on voit qu'ils font de leur possible pour l'appliquer en eux-mêmes cette religion, et pour la faire appliquer également à ceux qui sont sous leur charge et leur responsabilité. Et ça, tu peux en parler sans aucune gêne. Hein. Ils ne sont pas, bien entendu, infaillibles non plus de l'erreur. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi se tromper, ils sont des êtres humains. Ils peuvent avoir raison comme ils peuvent se tromper. Toutefois, on remarque qu'ils ont plus souvent raison que tort. Ça, c'est en ce qui concerne les règles de la charia qui découlent des fondements. Mais si tu veux parler des fondements et du manhaj de la da'wa, et de al-wala wal-bara et de leur attachement à leur engagement par rapport au serment qu'ils ont au serment d'allégeance qu'ils ont pour le dirigeant musulman et le respect qu'ils ont pour cette allégeance et la compréhension qu'ils ont à ce sujet-là, c'est une seule et même compréhension, c'est-à-dire c'est une seule et même aqida, une seule et même croyance. Et ils n'en sortent pas de cette compréhension-là, même pas de la longueur du bout d'un doigt. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir les vivants parmi eux et de faire miséricorde à ceux d'entre eux qui sont morts. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toutes choses. Il dit, na'am, hum la yatahrakuna bid-din al-haraka allati ya'niha ashab al-tanzimat al-sirriya walati yabituna min waraiha al-ihatat bil-sultat al-qa'ima wa yanwuna insha' sultatin za'amu badalan anha innahum la yanwuna dhalika wa la yufakkiruna fihi لأنهم يرون أن ذلك فساد في الأرض والله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إنهم لا يرون الخروج على السلطة المسلمة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف المستند إلى النصوص الشرعية. Il dit non, c'est, il dit oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez dire que on n'est pas actif dans la religion dans le sens de votre mouvement ou de votre activité, quand vous voulez dire par là les activités des groupes secrets, des organisations secrètes que vous suivez, hein, et que vous voulez essayer par ces organisations-là de prendre le pouvoir. Hein, et de remplacer les gens qui sont au pouvoir par vos organisations secrètes et par vos mouvements. Hein. Et donc, c'est pas ça nous qu'on veut dire. Quand on dit qu'on bouge pour la religion, c'est pas ça qu'on veut dire. Et contrairement à vous, Yann. إنهم لا ينون ذلك ولا يفكرون فيه. Il dit on n'y pense même pas à ces choses-là. C'est-à-dire nous on ne pense même pas à ces choses-là. Le fait de vouloir remplacer les gens qui sont au pouvoir et de faire des organisations secrètes pour essayer de justement de prendre ça, de prendre le pouvoir dans les pays musulmans ou bien ailleurs. Hein? Eh ben ça c'est des choses qu'on n'y pense même pas. Et on considère même que c'est de la corruption sur la terre de faire ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 56 dans surat al-Araf, et ne faites pas de désordre sur la terre après qu'on l'ait réformé, et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et espoir, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est certes proche des gens qui sont bienfaisants et qui ont al-ihsan. Donc ça c'est un verset que le Cheikh a mentionné. Puis il dit nous, on considère que c'est pas permis, que c'est interdit de se rebeller contre l'autorité musulmane, contre le pays, contre le dirigeant d'un pays musulman. Et ça, on a cette position-là par rapport à l'ordre d'Allah, par rapport à l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport au consensus des salafs qui se base sur les textes de la charia à ce sujet-là. Et plus tard, le cheikh il va parler de ça en détail. Inch'Allah, il va clarifier ce sujet-là en détail, point par point, en réfutant les paroles de Abdullah Azam à ce sujet-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et, yani, quand on voit par exemple que toutes différentes organisations maintenant sont en train de se mettre ensemble, des organisations de bid'a et de hizbiya, vous voyez des gens, des shi'as qui se mettent ensemble avec des soufis, avec des ikhwan, avec des yani hizb tahrir, avec toutes sortes d'autres groupes aussi comme Adl al-Ihsan et d'autres en Occident et ailleurs, et que vous voyez que tous leurs efforts et leurs organisations sont en train de converger ensemble vers une seule direction. On se pose beaucoup de questions parfois sur justement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et parfois même, on voit des alliances avec des koufars. Certains groupes parmi les koufars, justement, ils s'associent avec eux et ils s'allient avec eux dans des choses qui sont contraires à l'islam. Et ils mettent de côté le Coran, la Sunna et le manhaj des salafs. Et ils n'y donnent aucune importance au tawhid, ni à la aqidah, ni au manhaj. Et donc là, on se pose des questions quand on entend des choses de ce genre. Donc on va s'arrêter, nous, aujourd'hui pour ça. Et demain, Inch'Allah, on aura le dars, demain matin, la lecture du livre du Cheikh Rabia, les droits et les devoirs de l'homme et de la femme dans l'islam, le livre du Cheikh Rabia ibn Hadi al-Madkhali, inshallah, à ce sujet-là, et la réfutation des féministes islamiques, soi-disant, en guillemets. Donc, inshallah, on se laisse là-dessus, inshallah, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Et espérons que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ça reste bénéfique pour nous tous et nous donne une meilleure compréhension et connaissance et qu'il nous pardonne et qu'il guide ceux parmi nous qui sont égarés à la réalité et leur fasse comprendre la réalité.